Souvent, tu t'en souviens, dans cet heureux séjour où naquit d'un regard notre immortel amour, tantôt sur les sommets de ces rochers antiques, tantôt au bord des airs des lacs mélancoliques, sur l'aile du désir, loin du monde emporté, je plongeais avec toi dans ces obscurités. Les ombres, à longs plis descendant des montagnes, un moment, à nos yeux, dérobaient les campagnes. Mais bientôt, s'avançant sans éclat et sans bruit, le cœur mystérieux des astres de la nuit, nous rendant les objets voilés à notre vue, de ses molles lueurs revêtait l'étendue. Tel, en nos temples saints, par le jour éclairé, quand les rayons du soir pâlissent par degrés, la lampe, répandant sa pieuse lumière, d'un jour plus recueilli, remplit le sanctuaire. Dans ton ivresse alors, tu ramenais mes yeux et des cieux à la terre et de la terre aux cieux. Dieu caché, disais-tu, la nature est ton temple. L'esprit te voit partout quand notre œil la contemple. De tes perfections, qu'il cherche à concevoir, ce monde est le reflet, l'image, le miroir. Le jour est ton regard, la beauté, ton sourire. Partout le cœur t'adore et l'âme te respire. Éternel, infini, tout-puissant et tout bon, ces vastes attributs n'achèvent pas ton nom. Et l'esprit, accablé sous ta sublime essence, célèbre ta grandeur jusque dans son silence. Et cependant, ô Dieu, par sa sublime loi, cet esprit abattu s'élance encore à toi. Et sentant que l'amour est la fin de son être, impatient d'aimer, brûle de te connaître. Tu disais, et nos cœurs unissaient leurs soupirs vers cet être inconnu qu'attestaient nos désirs. À genoux devant lui, l'aimant dans ses ouvrages, et l'aurore et le soir lui portaient nos hommages, et nos yeux enivrés contemplaient tour à tour la terre, notre exil, et le ciel, son séjour. Ah, si dans ces instants où l'âme fugitive s'élance et veut briser le sein qui la captive, ce Dieu, du haut du ciel, répondant à nos vœux, d'un trait libérateur nous y frappait tous deux. Nos âmes, d'un seul bond, remontant vers leur source, ensemble auraient franchi les mondes dans leur course. À travers l'infini, sur l'aile de l'amour, elles auraient monté comme un rayon du jour. Et, jusqu'à Dieu lui-même, arrivant, éperdu, ce serait dans son sein, pour jamais confondu. Ses vœux nous trompaient-ils? Au néant destiné, est-ce pour le néant que les êtres sont nés? Partageant le destin du corps qui la recèle, dans la nuit du tombeau, l'âme s'engloutit-elle? Tombe-t-elle en poussière? Ou prête à s'envoler, comme un son qui n'est plus, va-t-elle s'exhaler? Après un vain soupir, après l'adieu suprême, de tout ce qui t'aimait, n'est-il plus rien qui t'aime? Ah, sur ce grand secret, n'interroge que toi. Vois mourir ce qui t'aime, Elvire, et réponds-moi.